débardé, on se tapait au thème. Je voyais pas souvent, j'étais trop dans la tête. J'étais trop dans la tête, je prenais la tête. Toujours bien habillé, moi toujours en survêt. Souvent j'ai du sang sur les baskets. La sacoche plus le terre, j'ai recherche des plaquettes. Toi et moi, impossible de plaquer. Je mets toujours vers toi et je m'as trop piqué. On m'a trop piqué. On m'a trop piqué. J'entends, je sors tôt. Pourtant je peux être tout monter. Ça a tellement m'a avalé dans les genoux. Je me tarde donc je perdais des jours. Pas de nouvelles, tu vois pendant des jours. Présente-moi à ton père. Et ben je te fais quitter la tour. Je peux pas, je traîne dans le four. Je peux pas, je fais le sourd. Vendredi soir, je suis sourd. Avec ma pile, je récupère tous mes sous. Je veux pas, je traîne dans le four. Je t'écoute pas, je fais le sourd. Vendredi soir, je suis sourd. Avec ma bise, je récupère tous mes sous. J'ai tapé pas de coca, je me resserre un grand verre. Je pense à toi, ma belle. Au balade dans la ville, sans quand je suis perdu, je pense à toi, ma belle. Si je te fais du mal, ma belle, pardonne-moi. Contre-moi, t'as la haine, contre-moi, t'as la haine. Vas-y, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne, pardonne-moi, ouais, pardonne-moi, pardonne, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne, pardonne-moi, ouais, je t'ai fait du mal, ma belle, pardonne-moi. Si je prends de l'oseille dans le rage, je mets bien ma belle, t'inquiète pas, t'inquiète pas, je sais que t'aimes pas, ce fait que je sois dans le peu rare, mais j'y peux rien. J'ai rien à faire de mes mains. Toi qu'est-ce que tu te gardes si je pars demain. Tu remplir, tu passes souvent, je t'aime. J'ai connu des meufs, j'ai connu des chaînes. Mais toi c'est pas la même. Elle a mis, fais-toi belle. Je t'emmène au resto ce week-end. Tu veux tous mes mots de passe. Car en moi t'as pas confiance. Et fais-moi confiance, regarde-moi dans les yeux. Là je te dis ce que je pense. Petite place dans mon cœur. Mec de rue, pas trop galant le rocard. À nos rendez-vous, pardonne-moi. Je suis souvent en retard. Scooter volé, je tape et charge, pas de plaque, pas de phare. Je te passerai dans le four. Je te coupe pas, je fais le sourd. Vendredi soir, je suis sourd. Avec ma pile, je récupère tous mes sous. Je te passerai dans le four. Je te coupe pas, je fais le sourd. Vendredi soir, je suis sourd. Avec ma bille, je récupère tous mes sous. J'ai tapé pas de coca, je me resserre un grand verre. Je pense à toi, ma belle. Je me balade dans la ville. Sans quoi je suis perdu, je pense à toi, ma belle. Si je te fais du mal, si je te fais du mal, ma belle, pardonne-moi.